bout d'un mois, t'étais déjà plus bonne. T'étais déjà devenue une conne. Je t'ai balancé tout ce que je pensais. Tant pis si j'ai tout broyé. Je crois même que je me suis retenu. Sinon ça t'aurait descendu. Tu m'as traité comme un imbécile. T'as jamais rien vu que ton nombril. Ce nombril cerné par la graisse. Tu cages les comme une ogresse. Je t'ai lâché plus que ce que j'avais. Et tu prenais toi, tu prenais. T'as tout dérobé dans mon cœur. Tu t'es cassé comme un voleur. Toutes mes artères à l'intérieur ne débouchent plus que sur des erreurs. Peut-être que si je t'avais pillé, tu m'aurais mieux considéré. À tous tes désirs, je me suis plié. Un homme à tes pieds, ça t'a gonflé. Au bout d'un mois, t'étais déjà plus bonne. T'étais déjà devenue une conne. Tu m'as aimé, tu me l'as dit. Des fois tu disais des conneries.